Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux sur 227 6e avenue à Dolbeau-Mistassini vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. C'est le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgarry. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, passons un beau temps des fêtes. Très beau, très froid, mais écoutez, on est au chaud et on est bien installé, donc on est resté à la maison bien tranquille. Phil, le Canadien, hier, en entendre parler des observateurs, ils ont quasiment gagné la Coupe Stanley, mais c'est un bon match par contre. Et Carey Price a été la pierre angulaire de cette victoire-là. Ben, écoute, on sait depuis le début de l'année qu'effectivement, ça prend toujours une performance exceptionnelle du gardien de but chez le Canadien pour réussir à bien performer puis réussir également à gagner des points. Hier, on a vu une équipe au moins qui jouait avec la rage au cœur, qui jouait avec le désespoir. Mais ça demeure quand même une équipe fragile. Mais on jouait contre une très bonne équipe, la meilleure équipe de la Ligue nationale actuellement, Tampa Bay. Mais quand tes meilleurs sont les meilleurs, le Canadien, comme les autres formations, ont des chances de gagner. Price a été très bon hier. Le capitaine a enfin marqué un but. Puis j'ai regardé également, dans l'ensemble, l'équipe du Canadien a mieux joué que les matchs antérieurs. Mais l'absence d'un Weber, il n'y a aucun doute là-dessus que c'est vraiment d'une importance capitale. On peut pas surutiliser certains défenseurs, mais on voit que certains jeunes joueurs commencent un peu à réapparaître, à jouer avec, je pense, un peu plus d'assiduité, d'être plus intéressés également au niveau de leur performance que la performance de l'équipe. Donc, quand je regarde un peu les situations depuis le début, d'abord, je pense qu'il y a plusieurs joueurs chez le Canadien, même si on dit 2 games sur 3, on va faire les séries éliminatoires. Je pense qu'il faut être réaliste. Pour faire les séries éliminatoires, ça va prendre des contre-performances. C'est pas d'un club, c'est de plusieurs clubs. Donc, à ce moment-là, ça devient plus difficile et compliqué pour les hommes de Claude Julien. Mais pas rien que ça non plus, Phil. Tu joues pour 700, quasiment 700. As-tu l'équipe pour jouer pour 700? Non, ils n'ont pas joué ça depuis le début de l'année. Non. Que les joueurs disent ça en conférence de presse, puis quand ils rencontrent les médias, on peut les comprendre, là. Il faut être réaliste. Là. Je pense que Marc Bergevin doit être réaliste. Jeff Molson, puis les gens qui dirigent le Canadien le savent très, très, très bien. Là. C'est que réussir à faire les séries, ça tiendrait presque du prodige. Donc, moi, je ne crois pas que le Canadien peut réaliser, avec l'équipe qu'ils ont actuellement, de telles performances. Oui. Hey, Phil, je veux te parler du Canada qui va jouer contre la Suède ce soir au championnat mondial junior. Je veux te parler de la Suède. La Suède, c'est un tout petit pays, puis... On parle de politique, hein. Beaucoup, les Québécois aiment souvent comparer le Québec et la Suède. Mais comment se fait-il que la Suède, écoute, là, année après année, depuis environ 5 ans, développe des bons jeunes, là. Tu sais, c'est Rasmus Dahlin qui va être, tout indique qu'il va être le premier choix. Ils ont un autre joueur suédois qui est pas tellement loin également, qui va sortir dans les 5 premiers. C'est incroyable comment c'est une belle pépinière. Le hockey de la Ligue du Québec devrait pas se, et Hockey Québec devrait pas se comparer avec la Suède, ce qui se fait avec la Suède et la Finlande. Au niveau du hockey mineur. Ouais, hein? On a réussi à monter. Et moi, je me rappelle très bien, il y a quelques années, Richard Martel peut en parler. Il a été instructeur en Suède au niveau 2, pas au meilleur niveau du hockey, mais un niveau un peu inférieur. Et lui, ce qui était impressionné, c'est de voir comment on dirigeait le hockey mineur là-bas, de quelle façon on travaillait avec les jeunes. c'était le travail d'équipe, c'était le développement individuel de chaque individu. C'était pas une question de performance d'équipe, c'était beaucoup plus de montrer aux jeunes comment réussir à performer, comment progresser en tant qu'individu et comme joueur de hockey, et ça donne de très bons résultats. On le voit très, très bien avec l'équipe de la Suède actuellement. Leur système de jeu également fait qu'il paraît bien. Mais encore là, écoutez, je disais à des gens, oui, la Ligue junior majeure n'a que deux représentants du Québec au niveau de l'équipe canadienne. Ils ont marqué 4 buts hier, là, les deux. Là. Donc, c'est quand même pas une mauvaise performance. Moi, je pense qu'on doit apprendre de ces pays-là, les pays scandinaves. La Finlande, c'est la même chose. Là. Ouais. Les gros pays non plus, puis on réussit à bien performer sur le plan mondial. Il faut apprendre de ces organisations-là. Puis je pense également qu'on regarde ce championnat-là. C'est un championnat où on voit que c'est vraiment un système d'équipe qui fait que les équipes réussissent à bien performer. La Suède est un bel exemple. L'équipe canadienne est un autre bel exemple également. Il n'y a pas de joueur, si on a fait Dalin, qui est un surdoué, ouais. Il faut le dire, là, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de joueur qui se démarque et qui vienne vraiment changer la donne. C'est vraiment le travail d'équipe, un jeu d'ensemble. Et actuellement, la Suède, pour elle, depuis nombreuses années, réussit à bien performer, mais atteindre la finale, je pense que ce n'est pas arrivé depuis de nombreuses années. Puis là, j'ai hâte de voir la performance de l'équipe canadienne ce soir contre la formation de la Suède. J'ai hâte de voir aussi comment ça va se passer. C'est le Canada qui, écoute, c'est un rouleau compresseur. C'est incroyable. Il y a une bonne équipe, là, puis je pense que l'effet que le Hockey Canada ait gardé à peu près le même staff d'entraîneurs, ils vivent une deuxième année consécutive, savent exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin pour aller gagner. L'équipe canadienne, l'année passée, était à un an, c'est prêt, là. Enthousiaste de gagner la médaille d'or. Mais ici, au Canada, gagner la médaille d'argent, c'est passé. C'est toujours la médaille d'or. Donc, je pense que ça prend toujours la médaille d'or. Si on ne gagne pas contre la Suède, on va dire encore une grande déception. Mais moi, je pense que l'équipe canadienne a démontré, lors de ce tournoi-là, que c'est une bonne équipe de hockey, bien dirigée, avec des très bons joueurs. Mais encore là, c'est un jeu d'équipe beaucoup plus que strictement des individus. C'est un match aussi, hein, Phil. Hein? Un match, tout peut changer. Hein? Il peut arriver des grosses surprises. Je regarde la performance de l'équipe canadienne. Ils perdent 1-0. Mais position du côté des Tchèques, ça a marqué 1-2-3. Et là, ça a fait 1-2-3 buts. Donc, ça a tout changé immédiatement la partie. C'est un peu comme ça qu'on voit que dans une seule rencontre, ça prend une seule performance ou une performance extraordinaire d'un gardien de but qui peut faire toute la différence. Ouais. Phil, on s'en parle la semaine prochaine. Merci. Commentaire de malade de Phil Gagné.